une autre qui concerne ton projet du village scientifique. Là. Alors ça, cette personne-là, je préférais qu'elle te le pose en particulier, puis ça concerne l'OFSA. Peux-tu nous toucher un mot sur le symposium qui aura lieu dimanche ici, ta participation et qu'est-ce donc, que tu vas faire? La conférence, quelque chose, une conférence qui a été demandée longtemps, c'est sur les thérapies intelligentes. C'est un symposium, disons, médical sur les guérisons intelligentes. Il y a plusieurs conférenciers, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les thérapies intelligentes. Alors, je vais aborder des mécanismes nouveaux pour entrevoir la santé au lieu d'entrevoir la guérison. Ça permet quand même aux personnes de s'ajuster, de se guérir, disons, de son purée dire de se guérir, mais c'est une conférence qui va être assez... C'est la compréhension de la relation qu'il peut y avoir entre les mécanismes de... Oui, c'est que la compréhension amène souvent à la guérison. Mais l'homme ne recherche pas à comprendre, l'homme recherche à être guéri. Est-ce que tu abordes ça au point de vue psychosomatique, là, au niveau de l'action de la pensée? On peut l'apporter autrement, toutes les maladies sont psychosomatiques. Et puis, une autre chose, c'est que Mario voulait que je dise qu'il restait juste quelques places pour le prochain séminaire et qu'il y avait énormément de personnes qui avaient bourdonné autour. Alors, ceux que ça peut intéresser, le prochain séminaire, c'est une fin de semaine intensive et c'est le 5 et 6 octobre prochain, donc la fin de semaine prochaine. Alors, ceux que ça intéresse, ceux qui bourdonnaient, je pense que Mario, tout à l'heure, il fait des simagrées pour ça. Bourdonnez pas trop parce que sinon, ça va aller à pas mal plus tard parce que moi, je déguerpille un bout de temps.